On va les dégager, on va les dégager parce qu'ils n'ont pas l'air de comprendre, donc ils vont Non, partir. je crois qu'il y en a beaucoup Non, non, mais qui n'arrivent pas à comprendre allez, ce qui se passe. Manu va aller, on va prendre des nouvelles personnes. Donc pour le moment, tu me disais toi que tu n'étais pas partie de SAC après ton travail. Non. Tu n'as jamais fait partie d'une SAC. Ah non. Et pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui y vont? Bah, je sais pas. Ça, c'est leur problème, c'est tout, hein. C'est pas le nôtre, hein.